Finalement, c'est pas une mauvaise chose, même pendant un parcours, pendant un chemin, de mettre ça en parenthèse, puis de dire, OK, je vais prendre une pause, puis je le regarde. Je le regarde objectivement, puis. Parce que sinon, comment je pourrais dire ça? C'est comme partir en voyage en s'enfermant dans la cale du bateau. À un moment donné, il faut se promener, il faut la regarder, l'expérience. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est des choses comme ça, dans le sens que la personne est persuadée qu'elle a découvert quelque chose, puis finalement, c'est une illusion. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur. C'est pour ça que j'ai pas le choix de rester sceptique, que je peux pas croire à rien, que je me suis jamais garroché dans rien. Alors, ça m'inquiète. Ça me fait peur. On en voit là, des dérives, il y en a tout le temps. Puis, je ne sais pas, quand je regarde après les dégâts de ça, puis finalement, des fois, la personne, c'est sa programmation de finir, de mal finir. Mais il reste que. On vient qu'on se méfie. On se méfie. C'est pour ça que tout ce qui vient de l'invisible, tout ce qui vient, les petits clins d'œil qu'on peut me faire, puis je vois tout le temps le regardant de parenthèse pareil. Je peux pas, c'est trop dangereux de croire. Ben, même si tu essayes de dire, regarde, là, tu te trompes, puis ça va mal finir ton affaire, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va te rejeter pour que tu fasses plus partie de son entourage, puis elle va continuer dans son affaire. Il n'y a rien de plus dangereux. C'est pour ça que. C'est mieux des fois d'être dans une espèce de stase que tu es en observation puis tu as l'air d'accomplir rien que de partir en peur dans quelque chose qu'on trouve créatif puis qu'on pense qu'on construit quelque chose puis finalement c'est une utopie qui va s'effondrer. Oui, c'est À pas ce intéressant. moment-là, dans le fond, le but de tout ça, si on met un but, si on regarde par le résultat, c'était quoi le but? Ben, le but de tout ça, c'était de réaliser qu'il était naïf. Mais c'est cher payé, là. Moi, je trouve que c'est trop cher payé. Dans le sens que, après, le monde, c'est la fin de leur vie, là. Il y en a qui, après, psychologiquement, ils ont de la misère. Comme il y en a des affaires qui tombent ces temps-ci. Puis je voyais même pas ça comme des affaires de même. Puis finalement, je regarde ça. Puis là, je regarde les dommages chez les gens qui restent, puis qui sont sortis de ça. Ils sont dépressifs, sont suicidaires. Il y en a, ils retombent, qui avaient des dépendances, ils retombent dedans. Fait que finalement, ils ont de la polarité, assez liée à de la polarité. Fait que, ils ont vu quelque chose qu'ils pensaient qui était bien, puis qui allait sauver des choses, puis finalement, ils se sont enlignés vers quelque chose de mal qui allait les ramener dans le trou. Ils ont été piégés par leur naïveté. Ben, c'est tout le temps de même. En conclusion, par rapport à tout ça, de ce que je retiens de ton discours, c'est l'importance par rapport à tout ça là, de faire preuve d'esprit critique et de scepticisme. Moi, ben, c'est ça, moi, ma conclusion, c'est que je conclus pas. Là. Dans le sens que on n'a pas assez d'éléments pour conclure. Fait que, dans le doute, je vais jamais avoir une conviction fixe. Jamais, tu sais, quand on peut pas, bon. Fait que finalement, on peut pas contrôler tous les paramètres. Fait que, finalement, ça reste des possibles, c'est des hypothèses.